Dualisme par Mathilde Serrao. Chapitre 1er. Flavie se sentait la conscience tranquille, pas même l'ombre d'un petit remords. Ce qui lui arrivait était très étrange, sans qu'il eût un brin de sa faute. Aussi elle secouait sa jolie tête blonde, haussait légèrement les épaules et continuait à aller au bal. Elle remplissait ses devoirs mondains avec une exquise bonne grâce, toujours souriante. Elle dansait de 11 heures du soir à 4 heures du matin, déchirant gaiement sa longue jupe de tulle, sans jamais être fatiguée. Elle ne se plaignait pas, comme la plupart des femmes, d'avoir un corsage trop étroit, des talons trop hauts, des chapeaux trop grands. L'été, elle s'amusait sur les plages à la mode, aux bains de mer, dans les concerts de casino, suivie de l'inévitable tour de valse. L'automne, elle se plaisait à la campagne, avec les excursions dans les montagnes, les matchs de tennis, les parties d'échecs d'après-dîner, les vendanges et la fenaison. L'hiver, elle se grisait de fêtes, de théâtre et de veilles prolongées. Elle passait, sans intervalle, d'une vente de charité au patinage, d'une bataille de confettis à un sermon de carême. Une nature heureuse entre toutes, une jeunesse fraîche, blonde, assurée, sereine. Deux hommes l'aimaient, elle les aimait tous les deux, et ne se faisait aucun reproche. C'était la fatalité, l'ananké pour parler grec. Le premier était un jeune homme, un peu apparenté à la famille de Flavie. De conditions égales pour la fortune, la naissance, la noblesse, et aristocratique jusqu'au bout des ongles. Léo Montefiore n'était point un imbécile. Au contraire, il avait du cœur et de l'intelligence, pas d'une manière exceptionnelle, c'est vrai, mais il en avait suffisamment. Et s'il se soumettait volontiers aux lois de la société, on ne pouvait lui en vouloir. Il y était né, et ne pouvait s'y soustraire. Il était toujours tiré à quatre épingles, toujours poli, empressé et affable, toujours le sourire aux lèvres. Quelques grincheux le trouvaient d'humeur trop égale, peut-être un peu banal. Mais le respect qu'il portait aux vieilles dames, la sage réserve qu'il observait avec les jeunes filles, une grande loyauté dans toutes ses actions, faisait pardonner ses légers défauts. Par-dessus tout, il fuyait les emballements, les élans d'enthousiasme, les passions déréglées. Amateur de paix et de bien-être, il ne comprenait point les ambitions effrénées, les coups de tête, les emportements du cœur, les ardeurs, les violences, les grands transports. Il s'était tracé un plan d'existence tranquille, calme et agréable. D'abord, il voulait jouir de sa jeunesse et de sa liberté. Puis, il comptait se marier sans trop de hâte avec une personne sympathique. Puis, en attendant, il cherchait la personne sympathique. Aussi une nuit, entre une valse et un tour au buffet, il fit à Flavie une demi-déclaration qui commençait par un compliment murmuré à l'oreille. Ils en rirent tous deux, puis n'y pensèrent plus. Ils se retrouvèrent, se laissèrent aller sur la pente glissante, une parole furtive, une allusion mal dissimulée, un sourire mystérieux, une conversation renouée de temps en temps, voilà tout. Cependant, c'était de l'amour comme il l'entendait, de l'amour mondain, léger, parfumé, subtil, avec une ombre de jalousie pour lui donner du ton. Un amour pâle et faible, mais qui continuait à vivre, comme beaucoup de personnes également pâles et faibles. Il suffisait au bonheur de Léon que Flavie lui envoyât chaque matin un billet rose avec 3 lignes d'une écriture déliée, traçant le programme de la journée. Il lui suffisait qu'au moment de la rencontre fortuite, elle le saluât d'un regard d'intelligence. Il lui suffisait qu'au bal, elle lui conserva toujours la première valse, et qu'avant de prendre une grave décision, comme l'arrangement d'un boudoir, le choix d'une robe ou l'organisation d'une partie de campagne, elle le consulta en premier lieu. Pour le reste, il la laissait libre et n'exigeait rien. Il était guidé par la peur du ridicule et tenait aux apparences, ne voulant pas jouer le rôle de soupirant jaloux. Aussi ne s'inquiétait-il guère des nombreux admirateurs qui entouraient Flavie. Disons même qu'il en éprouvait une certaine satisfaction. L'honneur était sauf, puisqu'il savait tout, et que le monde n'ignorait rien. La jeune fille aussi se contentait facilement. Le trouver exact au rendez-vous, toujours le premier, écouter quelques douceurs qu'il savait dire à merveille, lui voir à la boutonnière de son habit la même fleur qu'elle portait dans les cheveux, lui imposer de temps en temps quelques corvées pour bien affirmer sa toute-puissance, recevoir ses hommages demi-secrets, exquis, délicieux, qui ne lui imposaient aucune obligation, c'était tout. Les gens autour d'eux murmuraient « Quel joli couple !» Les parents ne répondaient rien. Dans le cas de Flavie, la fatalité s'appelait Évrard et demeurait au cinquième étage du palais où elle habitait également. L'intelligente lectrice aura compris qu'il s'agit d'un poète, et c'est la vérité. Mais je dois ajouter, pour pallier la fâcheuse impression, que ces vers étaient bons, quoiqu'ils ne fussent lus par personne. Il appartenait à une classe assez commune dans les grands centres, où chaque année débarque une troupe de jeunes gens pleins de volonté et de bonnes intentions. Ils ont la tête remplie de rêves merveilleux et de projets superbes. Le cœur débordant de tendresse et la bourse vide d'écus. Ils ont promis aux parents, restés dans leur village, de fréquenter Cujas, de connaître Euclide, de nouer d'étroites relations avec Trella et Orphila. Belles espérances. Ils cèdent aux poétiques attraits des cours de littérature qu'ils jettent dans les cénacles de lettres, dans les milieux d'écrivains en herbe, dans les grandes discussions sur l'art. Tout cela fermente dans ces cerveaux de 20 ans. Alors se forme cette classe spéciale de ratés, d'où surgit le jeune homme pâle, sceptique, aspirant à un idéal qu'il n'a presque jamais la force d'atteindre, rongé par le désir d'arriver, dévoré d'ambition, incapable de suivre le vieux droit chemin, brisé par une lutte inégale qui le fait profondément souffrir. Et le père est toujours au pays, et il travaille sans relâche, et il se sacrifie en silence, et il s'illusionne sur l'avenir de son fils. Je ne sais ce qui est le plus digne de pitié, ou la douce chimère du vieillard, ou la méfiance désespérée du jeune homme. Ainsi naissent les génies, dit-on, je le sais, mais pour un génie qui surgit, combien de médiocrité qui meurt. Il vaudrait mieux que le génie se révélât autrement. Tout ceci est l'histoire d'Évrard. Ajoutez-y un cœur passionné, un système nerveux irritable, une paire d'yeux ardents, et vous aurez un portrait ressemblant. Naturellement, il rencontra Flavie dans l'escalier de marbre par une journée d'automne, grise, triste et brumeuse. Mais Flavie était blonde et souriait. Notez qu'elle descendait, et il sembla au pauvre poète que cette jeune fille qui venait d'en haut était un rayon de lumière rosée, dorée, égarée dans le brouillard. Il resta immobile, sans respirer, elle passa, emportant l'âme d'un homme. Je ne dirai pas comment. Chaque rencontre exalta davantage Évrard. Comment il écrivit cet amour dans une lettre de feu, comment sa missive parvint dans les blanches mains de Flavie. Il suffit de savoir qu'elle lut les paroles passionnées et resta pensive, les sourcils froncés, le front sérieux. Le billet lui brûlait les doigts, comme des charbons ardents, et cependant, elle ne le jetait point. Il lui semblait que ses mots s'enflammaient, effleuraient sa chair, pénétraient dans ses veines. Elle se sentait envahie par une grande chaleur qui montait de son cœur à son cerveau, faisait bouillonner son sang. Elle croyait être en plein midi, dans une lumière splendide et aveuglante. Aucune impression de douleur. Au contraire, elle jouissait de ce doux incendie dans lequel s'anéantissait son âme. Elle pensa à Léon, elle pensa à Évrard, elle les aimait. Chapitre 2. Il y avait des heures où Flavie se sentait pénétrée d'une grande douceur, comme si des voix lointaines lui chantaient une légère chanson, comme si des mains d'enfant faisaient pleuvoir sur sa tête des pétales de rose. De vagues instincts, des aspirations indécises s'éveillaient en son âme. Elle désirait des couleurs molles, où les demi-teintes mettaient des caresses, des pièces bien closes où les rumeurs du dehors venaient s'éteindre sur la laine épaisse des tapis, des étoffes chaudes et parfumées qui enveloppaient le corps de plis amoureux, des senteurs subtiles qui berçaient les nerfs dans un demi-sommeil exquis. Et sur le fond rose azuré de ses rêves se dessinait une ombre légère qui peu à peu se marquait de traits peu précis. C'était Léon Montefiore, beau, noble, riche, gentilhomme, de race princière et amoureux. La vie avec lui devait être une inépuisable et longue fête, une série de jours heureux, sans l'amertume du lendemain, sans une douleur, sans un point noir. Flavie l'aimait. Quand, de sa voiture, elle le voyait passer sur son pur sang aux jambes d'acier, son cœur volait vers le beau cavalier. Quand elle sentait le regard du jeune homme la fixer tendrement, quand elle écoutait sa parole séduisante, elle éprouvait un véritable enchantement. Léo Montefiore représentait pour elle tout un monde élevé, élégant, délicat, supérieur même au malheur, où l'on goûtait les sensations les plus raffinées, le calme profond et assuré de la richesse, le charme infini du luxe. Léon était la paix, la joie tranquille, la vie sereine, et dans la certitude de cet amour, elle berçait, elle endormait son cœur. Le réveil venait brusquement. Tout son être était secoué par une force intérieure. Elle allait et venait, elle marchait, elle se remuait. Elle aurait voulu briser quelque chose de ses propres mains. Elle se sentait la tête trop petite pour contenir ses pensées tumultueuses, ses grands projets, son besoin d'agitation, d'activité, de combat. Alors elle comprenait tout ce qu'a de sublime le silencieux travail du poète et du penseur. Elle comprenait comment l'art pouvait être le désir suprême d'un homme. Elle comprenait l'ambition, la gloire, la soif du pouvoir, la joie d'être pauvre, inconnu, perdu dans la foule, atome ignoré d'une énorme masse, puis de s'élever, de monter, de briller, de dominer le monde, d'être le soleil, Évrard. Avec lui, la passion énergique et toute-puissante, l'amour dominateur, triomphant, surmontant tous les obstacles, adoucissant toutes les défaites, grandissant toutes les victoires. L'obscur poète adorait la noble jeune fille qui descendait de sa hauteur pour lui donner le bonheur suprême. Elle était fière d'inspirer un pareil sentiment, d'exciter une semblable jalousie. Quand Flavie était au bal, elle savait que dans la rue sombre et déserte, un homme frémissait d'impatience, enviant le dernier des balais de cette maison inondée de lumière. Et dans les salles dorées, au milieu du chatoiement des étoffes et de l'éclat des diamants, elle était prise d'un désir impérieux, tout planter là, se sauver par les escaliers et se jeter à son cou en lui disant « Je t'aime, emporte-moi ». Quand elle pensait à l'existence mesquine d'Évrard, à la petite chambre où l'hiver il mourait de froid et l'été de chaleur, aux privations continuelles qu'il était obligé de s'imposer, à tous ces effrayants détails de la misère, elle éprouvait pour ce jeune homme une réelle admiration, car dans cette ambiance néfaste, il restait poète et gardait la foi en son idéal. Flavie se sentait très humiliée devant ce courage, elle qui ne pouvait renoncer à son luxe vain et faux, à ses joyaux inutiles, à ses toilettes coûteuses. Comme elle haïssait toutes ces choses, comme elle les haïssait. Elle aurait voulu châtier son corps qui vivait dans ses mollesses, s'exposer au froid, à la faim, à la douleur, et porter elle aussi, en son cœur, un trésor de force et d'énergie. Épouser le poète, être la vie de sa vie, partager toutes ses émotions, avoir une part de son existence de bataille, de lutte, de souffrance, quel noble rêve! Et ainsi se déroulait, en cette jeune fille nonchalante et gaie, le drame merveilleux du dualisme. Et deux puissances, également fortes et opposées, se manifestaient en elle. Ses inclinations, jusqu'alors vagues et indistinctes, se séparaient et prenaient des voies différentes. Sa vie se passait en ces périodes consécutives, se détruisant tour à tour pour renaître plus vigoureuse et se combattre de nouveau. Cependant, elle n'en souffrait pas. Et même, en ce phénomène étrange de son esprit, elle se sentait complète et satisfaite, comme si elle avait retrouvé son équilibre. Ce flottement éternel la laissait calme, c'était son état naturel, c'était explicable. Flavie était née d'un mariage mixte. Son père était de haute naissance et sa mère de basse extraction, et chacun des deux lui avait donné sa propre nature. Elle avait le tempérament robuste de sa mère, ses goûts simples et grands, son désir de lutte, son cœur honnête, les instincts sains et vigoureux du peuple. De son père, elle avait la délicatesse des nerfs, les aspirations nobles, les raffinements de l'esprit. En somme, deux consciences, mais ces deux en formaient une seule, et Flavie était ravie d'avoir enfin acquis l'unité de son esprit. Chapitre 3e. Les deux jeunes gens, qui s'étaient si bien rencontrés et fondus dans le cœur de la jeune fille, se rencontrèrent également dans la vie réelle et, se sachant rivaux, se regardèrent de travers. Léon prit Évrard pour un fou courageux. Évrard considéra Léon comme un sot orgueilleux. Certainement, ils ne pouvaient guère s'entendre ni s'apprécier. Cependant, ils eurent ensemble, sans le savoir, un même mouvement spontané, car le lendemain, Flavie recevait deux lettres presque identiques, dont la substance était ce mot « choisissez ». Elle éprouva une douloureuse stupeur, un serrement de cœur comme à l'annonce d'un grand malheur. Elle croyait faire un de ces songes horribles où l'on tombe, sans s'arrêter, d'une hauteur démesurée, et où l'angoisse se prolonge jusqu'au réveil. Choisir, elle devait choisir. Pourquoi? Elle avait été si heureuse, et sa vie, C'était si bien complété par l'amour. Choisir lequel? Elle les aimait également. Elle sentait qu'ils lui étaient nécessaires tous deux. Elle comprenait que leur nom était inscrit dans son cœur, que leur visage était fixé dans son âme. Impossible de les chasser. Impossible, impossible. On lui demandait des choses injustes. Il s'indignait contre ses prétentions. Tout s'effondrait, tout tombait, tout se brisait. La belle harmonie était troublée, la paix avait disparu. Il fallait choisir, c'est-à-dire en aimer un seul. Faire le sacrifice d'une affection à l'autre, étouffer une de ses consciences, mourir à moitié. Elle essaya d'obéir, elle voulut se décider, elle accumula les arguments qui devaient défendre et faire prévaloir la cause d'un des deux soupirants. Elle prit même une détermination et chercha à se fortifier en elle-même. Ce fut inutile, le moment d'après, elle pensait à l'autre. Flavie passa le triste jour, lasse, découragée, en proie à des doutes cruels, s'abandonnant à des hésitations pénibles. C'était un état insupportable. Alors elle préféra l'abandon complet, le déchirement absolu. Elle renonça à ses deux amours. Léon et Évrard la prirent pour une coquette banale, et elle ne daigna pas leur expliquer le mystère de son cœur. La blonde enfant a beaucoup souffert. Elle a passé des nuits sans sommeil et des journées mélancoliques. Mais sa peine s'atténue, diminue et disparaît. Pour elle, l'amour est devenu un souvenir lointain, une époque heureuse est passée, une période exquise et effacée. Comme beaucoup de personnes de cette terre, elle a aimé comme elle le pouvait. En ces deux amours, elle a résumé son grand amour. Ainsi s'achève Dualisme par Mathilde Serrao.